J'en ai dragué des filles en rêve. J'en ai dragué des filles d'Ève. Elles me tombaient toutes dans les bras sans que j'en sache le pourquoi. J'étais là pour la bagatelle. J'étais là quand elles étaient belles. J'en ai aimé des filles en rêve. J'en ai aimé des filles d'Ève. Elles me rendaient bien mon amour et je vivais de très beaux jours. Pour moi elles se faisaient plus belles, mais je me réveillais sans elles. J'en ai pleuré des filles en rêve. J'en ai pleuré des filles d'Ève. Elles me quittaient à chaque fois sans que j'en sache le.